pas un portable, toi. Moi, c'est un vieux portable. Hein. J'ai repris le portable de ma gamine, mais c'est un vieux. Toi, tu dois avoir une machine de guerre, je suis sûr. Qui c'est qui est nothing? Qui c'est qui est personne ou rien, je sais pas quoi? You don't speak French. Celui-là. Thank you.

prenez de la drogue. Enigma. Trouvez l'accordéon, nom de Dieu. Pasteur est au son. Sans moi et dans ce lit, nanana, tu es si jolie. Un avec moi, ne pars plus sans moi et tu prends tes vêtements. Tu les mets sur toi. Ah, ah, ah. Allez, viens là, viens avec moi.